Les passions qui pâlissent, de la haine une esquisse, les promesses effacées, en serment délavées, la douleur dans nos cœurs qui déteint, les ciels sans lueur et l'éclat qui s'éteint. Le vernis qu'elle impose, au désir qui s'expose, et le temps qui s'attaque, aux faux semblants qui craquent, la beauté qui s'estompe et nous blesse, ce rêve inachevé qui me trompe et me laisse. Dans le noir, je vois rouge, dans la douleur est vive, quand les ombres me suivent. Dans le noir, je vois rouge, j'effacerai l'outrage aux couleurs de ma rage. Obscur qui dessine une injure, nos matins qui dérivent aux nuits sans perspective, le tableau du passé qui me ronge, au musée des regrets qui me hante et me plonge. Dans le noir, je vois rouge, dans la douleur est vive, quand les ombres me suivent. Dans le noir, je vois rouge, j'effacerai l'outrage aux couleurs de ma rage. La douleur est vive quand les ombres me suivent. Dans le noir, je vois rouge, j'effacerai l'outrage aux couleurs de ma rage.